châtie fauchons. Cette fauche au voile et des bâches si braves, disait un jour pas grave. Pour te prendre pour un pichon, pour te prendre pour un pichon.